19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous hebdomadaire de la musique qui arrache tout, qui défrise tout. En deux mots, qui découche, comme disait notre ami Fred. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés au nombre de 4, avec du quand même très très lourd, puisque dans ces fameuses nouveautés, il y aura le nouveau Judas Priest qui est sorti vendredi, donc tout nouveau, tout chaud, et puis plein d'autres choses complètement différentes. On va faire un petit survol de tous les genres et sous-genres, donc, qui constituent notre style musical préféré. Eh bien, on va commencer donc tout de suite avec une légende du métal, avec Motorhead, le divin Motorhead qui maintenant a conjugué au passé, dont les ayants droit ont sorti un petit coffret live super sympa qui s'appelle The Lost Tape Collection Volume 1 à 5, dont tout a passé déjà quelques extraits depuis quelques semaines. Il y a des concerts qui vont de 84 jusqu'en 2008. Et ben pour ce soir, on va faire donc un petit tour il y a ça presque 40 ans à Heilbronn en Allemagne, le 29 décembre 84, où Motorhead délivrait une prestation vraiment furieuse, enfin comme ça a toujours été le cas pendant toute leur carrière. Et à l'époque, c'était un Motorhead, on va dire, en pleine mutation, puisque tous les membres d'origine étaient partis. Donc, il avait fallu reconstituer un nouveau groupe avec deux jeunes loups à la guitare, Wurzel et Phil Campbell. Là, du coup, on passait avec deux guitares, donc ce qui donnait un petit peps quand même supplémentaire au son. Et un vétéran à la batterie, puisque Pete Gill de Saxon, un vieux pote à l'EMI, avait rejoint l'équipe. Et on va se faire donc des morceaux pas très évident, auquel on pense pas souvent de Motorhead. Par exemple, Steal Your Face, qui était un des inédits de la compile No Remorse, qui était sorti à ce moment-là. Vous êtes prêts, vous êtes bien installés? Allez, tout de suite, Motorhead. Could you put Top on me a lot of it? Yeah, and a bit on everything else. And I can't hear them now, right? Take the bass down and take them up a bit, preferably. Just make it louder! That's all I want! Got all this fucking equipment and I can't get it any fucking louder. It makes me want to vomit. However, I won't vomit yet. I'll vomit on you later. This one is dedicated to Houdini. It's called Nothing Up My Box, babe. Sorry about that. Là, je pense qu'on a fait se faire un bon petit décrassage auditif. Motorhead, donc, avec donc deux extraits du coffret The Lost Tapes Collection volume 1 à 5. C'était un extrait donc du volume 4 enregistré à Heilbronn en Allemagne le 29 décembre 1984. À l'instant, c'était Nothing Up My Sleeve, qui à l'époque était un inédit et qu'on retrouvera plus tard sur l'album Orgasmatron en 1986. Et le morceau qui a ouvert l'émission ce soir, c'était Steal Your Face, un des morceaux inédits qui figurait sur la fabuleuse compile No Remorse. Eh bien, on va se faire maintenant la première nouveauté de la semaine. Et là, je dois vous dire que j'ai pris une belle claque parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. D'ailleurs, c'était pas du tout une de mes priorités, cet album. C'est l'album solo de Mick Mars. Alors, vous savez que, qui est sorti là, fin février. Personnellement, je n'ai jamais été un grand fan de Motley Crue et j'ai toujours trouvé que ce groupe était vraiment, la réputation de ce groupe était vraiment surfaite. Pour les avoir vus deux fois en concert, je dois avouer qu'à chaque fois, je suis reparti déçu. Et d'ailleurs, même des amis qui étaient fans de groupe à chaque fois ont trouvé que le groupe sur scène, bref, c'était vraiment surfait. Enfin bref, façon de parler. Enfin, toujours est-il que Mick Mars, qui s'est fait lourder du groupe de façon franchement dégueulasse récemment, a eu le temps donc de peaufiner donc un album solo qui lui trottait depuis des années. Alors je pensais que ça allait être des morceaux qu'il avait composés pour le crew, qui avaient été mis de côté pour raison X ou Y, soit pas assez bon, soit tout simplement pas assez de place sur les albums, etc. Donc je pensais quand même à un album assez, on va dire, glam rock quelque part. Et en fait, c'était vraiment une surprise parce que l'album c'est vraiment du métal moderne. Et très franchement, je vais vous dire, on m'aurait fait écouter ça sans me dire que c'était Mick Mars, on m'aurait dit, tiens, faut que t'écoutes ça, Christophe, c'est un super groupe qui nous vient des États-Unis, vient de sortir son premier album. J'aurais dit, oh putain, c'est génial, ça sort d'où ça? Eh ben, je dois avouer que, voilà. Du coup, voilà comment un truc reçu il y a 8 jours est devenu un des coups de cœur d'Electric Shock pour ce début d'année. Eh bien, vous avez peut-être qu'une envie, c'est peut-être de découvrir à quoi ça ressemble. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le morceau de cet album qui s'appelle donc The Other Side of Mars. Moi, je trouve que c'est le plus beau pied de nez, le plus beau bras d'honneur qu'il pouvait faire à ses anciens comparses. Et allez, on va s'écouter And Going Back Again. The Machine, extrait du premier album de Deep Within, groupe américain qui vient de Los Angeles. Et juste avant la première nouveauté de la semaine, vraiment, comme je vous le disais, une grosse claque, le premier album solo de Mick Mars, l'ancien guitariste de Motley Crue, intitulé The Side of Mars, sorti fin février, c'était Ain't Going Back Again. Ça, croyez-moi, vous allez en avoir dans les semaines qui suivent, que ça a vraiment été un des coups de cœur récemment. Et je peux dire qu'une chose, c'est... Je peux dire Mick Mars, je ne sais pas s'il entend, je ne sais pas. Peut-être qu'il écoute Electric Shock, après tout, allez savoir. Eh bien, pardon, Monsieur Mars, de vous avoir sous-estimé pendant toutes ces années. Encore une fois, mille pardons et courage à vous. Eh bien, on parlait de coup de cœur, là aussi c'en est un, c'est l'album de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, qui va suivre maintenant. Album d'ailleurs qui s'est fort bien classé dans les charts en France, puisqu'il était quand même numéro 10. Et ouais, quand on sait que bah, tout ça s'est trusté normalement par les premières places, par du rap et de la variété, quand même un joli petit exploit pour le chanteur d'Iron Maiden. Surtout que bah, cet album est quand même très différent de ce que le chanteur Iron Maiden nous propose habituellement. Et heureusement, parce que sinon je vois pas tellement l'intérêt de faire un album solo. Et ce Mandrake Project, si vous avez déjà écouté ses précédents opus sur Dickinson, bah, on se retrouve quand même un petit peu en territoire connu. Si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'il y avait sur Balls to Picasso et The Chemical Wedding en particulier... Sauf que là, il a été beaucoup plus loin et je trouve que c'est vraiment une très belle réussite et on pourra s'en apercevoir sur scène à l'Olympia le 26 mai prochain. D'ailleurs, n'essayez plus d'avoir des places, c'est complet. Et il sera ainsi, il fera partie de l'affiche donc du Hellfest aussi. Je crois qu'il jouera assez tard dans la soirée, donc un bon temps de jeu. Extrait donc de cet album, on va se faire ce qui était le premier single, c'est le morceau Afterglow of Ragnarok. ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait du dernier Saxon Hellfire and Damnation sorti au mois de janvier, qui est vraiment excellent, comme toujours d'ailleurs en ce qui concerne nos vieilles cartes préférées britanniques. C'était 1066, donc extrait de cet album, les Saxons, qui sera en concert le 8 avril prochain au Zénith en première partie de Judas Priest. Voilà une affiche. Bon, d'accord, ça fait peut-être pas les perdreaux de l'année, mais ça va le faire, croyez-moi, ça va tout déchirer. Judas Priest qu'on retrouvera tout à l'heure, un peu de patience. Juste avant Saxon, eh bien, lui aussi, c'est une vieille carne et il nous montre qu'il l'a toujours sous le pied. C'est Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, en escapade solo. Et c'est donc un extrait de son nouvel album The Mandrake Project, sorti il y a quoi, une quinzaine de jours. Et c'était Afterglow of Ragnarok. On va faire quelque chose de beaucoup plus cool. Maintenant, on va passer quelque chose de beaucoup plus cool. On va revenir au live at Leeds de Thunder, sorti fin janvier. Live enregistré en 2015 pendant la tournée Wonder Days. Et on va se faire un morceau tout cool. Ouais, j'aime bien les contrastes parce que avec un nom pareil, on se dit ouais, ça va déchirer à max. Et en fait, il s'agit de rock très 70s, très sympa, très cool. Et là, sur ce live, il y a une très belle version du Empty City qui à l'origine figurait sur la Final Judgment Day sorti en 92. Et bah, sur le live at Leeds, j'ai trouvé que c'était un des moments forts de cet album. Allez, on se retrouvera tout à l'heure. Studio est déjà magnifique, mais là, que dire de cette version live de Empty City de Thunder, extrait donc du Live at Leeds, sorti fin janvier, qui est donc une retranscription audio du concert de Leeds de l'année 2015. Eh bien, je vais vous emmener faire un petit tour en Finlande maintenant avec un petit peu de métal symphonique que je vous avais présenté la semaine dernière avec le premier album du groupe Satra. Satra qui est actuellement en tournée en première partie de Therion quand même, excusez du peu. Donc Satra qui vient donc de sortir son premier album qui s'appelle Sand of Time, et on va faire tout simplement le morceau qui a donné son titre à l'album. petit retour dans le temps puisque nous étions en 2006 avec un petit extrait du premier album de D-Lane, Lucidity. C'était le morceau Frozen. Juste avant D-Lane, plus récent puisque c'est sorti fin février, le premier album donc des Finlandais de Satra, Sand of Time, et c'était donc le morceau titre. On se fait un petit peu de blues maintenant, ben oui, pour changer de registre une fois de plus. Et on va revenir pour ça à l'album de Freddie Miller, Just Be Yourself, sorti en fin d'année. Et on va s'écouter le morceau Drummer Woman. Drumstick shots again. We'll be right back. machine à remonter le temps encore, puisqu'on était en 1990 avec le regretté Gary Moore et son album Still Got the Blues. Et c'était donc le classique Oh Pretty Woman. Et juste avant Gary Moore, plus actuel, le dernier album de Freddie Miller, Just Be Yourself, et le morceau Drummer Woman. Et il est 20h passé de 2 minutes maintenant sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la deuxième heure d'Electric Shock commence maintenant avec la deuxième nouveauté de la soirée, le très attendu nouvel album de Judas Priest. Alors, c'est vrai qu'un nouvel album de Judas Priest en 2024, on peut dire waouh, quand on sait que le premier était sorti quand même il y a exactement 50 ans, en 1974, et que les vétérans britanniques sont toujours là. Alors, que dire de cet album? Alors, si vous avez regardé sur la presse, etc., tout le monde est dithyrambique en disant que c'est le meilleur album de Judas Priest depuis Painkiller, enfin, et j'en passe, et des meilleurs. Je serais un peu plus circonspect quand même. Même si je dois avouer que, par exemple, le précédent album Firepower, qui date quand même déjà de 2018, m'avait foutu une belle claque, alors que je n'en attendais pas grand-chose. Je m'attendais à ce que le Priest ronronne tranquillement, mais nous sert des morceaux peut-être pas transcendants, mais solides. Et sur Firepower, ils nous ont montré que finalement, ils étaient encore capables de rivaliser avec les petits genoux. On pouvait penser qu'Invincible Shield allait rivaliser. Enfin, c'est ce que tout le monde dit dans la presse. Alors moi, j'ai envie de dire oui et non. Alors, la première moitié de l'album, j'ai envie de dire oui, effectivement, c'est clair, on se dit « Ah, là on tient le petit frère de son prédécesseur ». Et puis au fur et à mesure, quand on arrive à peu près à la moitié de l'album, on tombe dans une espèce de ventre mou. Alors c'est pas mauvais, loin de là, le groupe joue toujours très bien, Rob Halford pousse toujours la gueulante, ça y a pas de problème. Mais en fait, il y a des morceaux qui sont moins mémorables, moins jouissifs, on va dire, même si ça se laisse écouter amplement. Et bon, respect quand même, un groupe qui existe depuis quand même plus de 50 ans et qui est toujours là... On peut pas leur demander d'avoir la fougue qu'ils avaient quand ils avaient 25 ans, c'est clair. Et si on relativise tout ça, ça reste quand même un très très bon album que cet Invincible Shield, qui est donc sorti vendredi. Et on va le découvrir avec ce que je pense être un des meilleurs morceaux de cet album, c'est The Serpent and the King. Oh! Le Judas Priest Beast ou le Judas Priest Dissident, le groupe de KK Downing, KK Priest, l'ancien donc guitariste de Judas, avec l'ancien chanteur de Judas aussi, Tim Owens. C'était donc un extrait de The Sinner Rise Again, sorti à l'automne dernier, The Sons of the Sentinel. Juste avant la deuxième nouveauté de la soirée, l'original, le vrai, le seul, l'unique, Judas Priest, avec son nouvel album Invincible Shield, sorti donc vendredi. Et c'était le morceau The Serpent and the King, et Judas Priest qui va nous délivrer normalement un concert somptueux au Zénith en compagnie de Saxon au mois de début avril prochain. On en reparlera. Bon, maintenant, place aux petits jeunes. Allons faire un petit tour dans la Drôme, retrouver donc les petits genoux de Heavy Crown et leur premier EP Stranger Things Can Happen. Et on va se faire un petit instrumental d'abord qui s'appelle Symphony for the Next Generation. But I never missed a chance of days of morphine. Not a full stopper, more of a showstopper. I guess the little bit of chemistry's the fault of the century. Even the most criminal of all, fuck it. I reach the top of myself, I'll throw up in the bucket. And even if I live another decade, I'd be proud to know that I belong to the one I betrayed. We'll be right back. And all of a sudden the power gets the worst of habits. Yes, I get the feeling that my head is damaged. I've been meaning to do it so it could change. I bet it changed. We're on the same page, same friends, got the same face, insane brain. It says fame, I'm glad success came. And even if I live another decade, I'd be proud to know that I would die for the world I portrayed. Stranger Things Can Happen, bah c'est le titre du EP et du morceau qu'on vient de s'écouter de Heavy Corn. Et avant la petite intro, enfin l'instrumental, c'était Symphony for the Next Generation. Est-ce que maintenant vous avez envie de vous écouter un peu de black metal? Ben moi j'ai envie un petit peu, parce qu'il faut varier les plaisirs. Et pour ça on va revenir à l'album Ecclesia Agnostica de Aoratos et on va les laisser nous raconter l'histoire du Hiérophante. Yeah. descendant d'Hermès, toi le hiérophant, descendant du mage pharaon Toutmosis, premier des alchimistes, toi le hiérophant, elle a pénétré la toile. Petit moment de douceur vous est offert par Electric Shock. Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'était Aoratos et son dernier album Ecclesia Agnostica. Et vous avez eu donc l'histoire du Hiérophante. Après cette débauche d'énergie, on va se faire quelque chose de plus cool, si vous voulez bien. On va passer à quelque chose de beaucoup plus rock avec le nouvel album de Libre, groupe de rock français, qui a sorti donc son quatrième album, qui s'appelle Fantôme. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple pour son titre, puisqu'on va se faire Fantôme 1. Je voudrais Too Nice for Rock and Roll, ça c'était un extrait du premier album de Laura Cox, Hard Blues Shot, sorti en 2017. Et Laura Cox qui sera en concert lors de la convention de tatouage qui a lieu donc vendredi, samedi et dimanche au Comet à Orléans. Et elle, car il y a aussi d'autres activités annexes, telles des concerts. Et elle, ce sera le samedi soir, donc samedi 16, qu'elle sera à l'affiche. Juste avant Laura Cox, libre avec l'album Fantôme et le morceau Fantôme 1, tout simplement. Eh bien, on va rester rock'n'roll avec la troisième nouveauté de la soirée. Je vous invite à découvrir le deuxième album d'un groupe français qui s'appelle Hollywoodland. Donc, tout un programme. Alors, c'est un groupe qui existe déjà de bon un petit moment, puisqu'ils ont sorti un premier album qui s'appelait Appetite for Seduction en 2012. Alors, c'est un esprit assez potache et décalé. Il y a des choses très, très sympas. Ça fait penser un petit peu à Steel Panther sans les références de cul. On pense aussi un petit peu à Princess Leia pour l'esprit, enfin bref. En tout cas, ça fleure bon l'amour du heavy rock des années 80, un peu air metal, un peu punk aussi par moment, enfin plein de choses. Donc l'album s'appelle Dark Fate for Judgment Day. Et je vous invite à découvrir le soir le morceau Yugli et la petite intro Judgment Day qui va vous rappeler, je pense, bien des souvenirs. les joyeuderies de Heads Up avec leur album The Way of the Cure, Killing Time. Autre joyeuderie aussi, c'était à l'instant avant Hollywood Land avec le morceau Ugly et puis l'intro Judgment Day, extrait donc de leur premier album, deuxième album Dark Fate for Judgment Day et troisième nouveauté de la soirée. Passons à quelque chose d'un petit peu plus sombre, maintenant même beaucoup plus sombre, avec l'album éponyme de Witcherius que vous devez commencer à bien connaître. Et là, on va déguster le morceau Sanctuaire. I lost my way. Sanctuaire, extrait donc de l'album de Witcherius. Eh bien, on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée avec quelque chose d'un peu plus trash, avec le quatrième album de Antares. Alors, Antares, c'est un groupe breton qui existe depuis 1994. Bon, d'accord, ils se sont séparés au début des années 2000. Enfin, ils ont remis le couvert en, il y a de ça une dizaine d'années. Et là, ils viennent de nous sortir un album qui bastonne bien, qui s'appelle After the War. Eh bien, je vous invite tout de suite à découvrir avec le morceau Rise the War Cry. Une petite douceur. Still the land of tape, a legend against our terror and war. Deftar Rising, extrait de Cold Epiphany, le dernier album de Voice of Rune. C'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci encore d'avoir été à l'écoute du magazine Metal. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, je me suis éclaté comme toutes les semaines. Mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, car la musique continue dans un genre complètement différent. Mais c'est tout, il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Et sur Radio Arc-en-Ciel, il n'y a que de la bonne. N'est-ce pas, mon ami Christophe ? Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Yes. Donc ce soir, qu'as-tu à proposer aux amis Nightclubbers pour Electro Live ? Un set plus commercial, avec un mélange de house et d'EDM, de la dance. Voilà. Eh bien donc, voilà. Allez-y, c'est parti. Échauffez-vous. C'est parti pour deux heures de mix live, Electro Live. C'est tout de suite maintenant. Ouais, je vous platine. À mardi prochain. Tout.